Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Tajrid al-Ittiba' wa khatar tark al-haq li ara' al-khalq wa ma yusamma bil-ishrak fi al-risala li akhina al-shaykh Abi Hatim Sa'id bin Da'as al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala wa askanahu al-jannah. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanakmil hadhihi الرسالة النافعة تجريد الاتباع وخطر ترك الحق لآراء الخلق وما يسمى بالإشراك في الرسالة لأخينا الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله ووصلنا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما لما خالفه من خالفه في مسألة التمتع في الحج فمعروف أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالتمتع أي في الحج فعارضه بعض الناس بقول أبي بكر وعمر أنهم لا يريان التمتع أي أن التمتع أفضل فقال ابن عباس أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر فقال الشيخ سعيد عند ذلك فهل جهل ابن عباس ما علمه أصحاب هذه الجهالات أي أنه لابد ويجب اتباع الأعلم والأكبر قال وأين علوم ابن عباس ونظرته وبصيرته وفهمه بجنب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نعم لا شك أن أبو بكر وعمر يزن بلس دو علم كابن عباس لكن كما تقدم كثيرا أن عند الخلاف الرجوع إلى الدليل إلى البرهان قال وقد تتابع أهل العلم على عد هذا في مناقب ابن عباس وفضائله نعم فسمونت خلنا ابن عباس رضي الله عنه إليه تلفي إليه تيدوكي لاتباع الدليل لاتباع الحق أينما كان قال وهي في منهج هؤلاء المتطفلين مذمة ألبسوها بزي إساءة الأدب إلى أهل العلم نعم Est-ce que l'an on peut prétendre أن ابن عباس il a pas eu un bon comportement envers العلماء envers أبو بكر وعمر أبدا لا أحد يقول بهذا هذا سنمونتخ يا جماعة أن أخذ الحق وترك قول العالم الفلاني c'est pas من سوء الأدب معه أبدا c'est pas من سوء الأدب لا فلا بيرسون يحترم أهل العلم هذا لا بد منه c'est من منهج أهل السنة لكن ça veut pas dire نتعصب لأقوالهم on peut rejeter un قول d'un savant et ça veut pas dire qu'on l'aime pas qu'on le respecte pas là. On rejette le قول pas parce que c'est le savant qui l'a dit là on rejette le قول لأنه il est مخالف للصواب قال أو إهدار العلماء أو أنه لا يرى مرجعية العلماء نعم فهذا لا يلزم أبدا ساس قول الجهال قال وغيرها من الجهالات مع أن ابن عباس يعلم ما لأبي بكر وعمر من فضل وبصيرة ونظرة نعم ابن عباس رضي الله عنه كان يحترم أبا بكر وعمر جدا هذا لا يشك فيه أحد مع هذا في هذه المسألة إلى طبخ له قول لأنه il a compris, il a vu que le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré أن التمتع c'est أفضل هكذا طالب العلم السلفي السني il prend l'exemple Mawqif ibn Abbas radiyallahu anhu. Enfin, si il s'aperçoit بعد الدراسة أن القول de فلان il est خطأ dans une مسألة, فلا يجوز له il suit le قول aveuglément. ولا يجوز له il se rabaisse et il dit là ça serait حق فلان il l'aurait su. Ça c'est pas لازم. لأن الآن si on emploie ce منهج que certaines personnes ils appliquent الآن أن si ça aurait été حق التمتع أي أفضلية التمتع في الحج فأبو بكر عمر اللغجي هل يلزم هذا؟ لا, لأن التمتع سأفضل بيقين. Et أبو بكر عمر ils n'ont pas choisi ce قول. Ça implique pas que le قول il est faux أبدا. Ça implique que أبو بكر عمر رضي الله عنهما ils se sont trompés في هذه المسألة, ils sont pas معصوم. هذا منهج الحق, لكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا أنها لا تقاوم الحق والصواب إذا خالفه صاحبها. نعم, وهذا تقدم. قال الشيخ سعيد رحمه الله تفويض معرفة الحق إلى عالم معين والإشراك في الربوبية, وهذا باب مهم. أن هذا التعصب لفلان من العلماء أكسبت الحق في كل حال ولو سي يكونتخدي السنة, ففي الحقيقة كذلك نوع من الإشراك في الربوبية. لماذا؟ لأن الرب عز وجل سلوي سبحانه وتعالى كي حرم كي حلل الله سبحانه وتعالى. فسي لا بيرسون يبونس كو فلان تو سي قول اي سون جوست ولو سي خالف الدليل, فلا شك ان هذا الان هذا الاعتقاد يفجمل اس عقيده حتى في الربوبيه. ما بالك الان الله سبحانه وتعالى الى حرم دي شوز الخمر والزنا والنميمه plein de choses Allah il a harram. Ma balouk, si un savant il se trompe dans une chose muharrama et la personne il s'entête à le suivre, voilà aussi il sait que le haq il est dans un autre qawl, hada yukhsha alayhi kama sayati ma'ana c'est tariqat al-nasara. Qala al-shaykh rahimahullah wa laqad adda ba'du ahl al-ilm التزام قول أحد من البشر مطلقا وتفويض معرفة الحق إليه دون غيره ولو خالف الحق نوعا من الإشراك في ربوبية الله تعالى, لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالحكم والتشريع بمقتضى ربوبيته. نعم, فالمشرع الله سبحانه وتعالى. Celui qui nous ordonne ça c'est halal, ça c'est haram. Le savant il te montre حكم الله عز وجل. Amma, une personne, il place ce savant, annahu, ce qu'il dit, c'est halal, ou c'est haram, même s'il se trompe, fahada yukhsha alayh. Yukhsha alayh annahu, il rend cette personne qui suit, min al-arbab. Kama sayati bayanu. Qala l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, rahimahullah, fi risalatillah, kama fi durar al-saniyah, wa la khilaf bayni wa baynakum anna ahl al-ilm idha ajma'u wajabat tiba'uhum. Wahada, tout le monde est d'accord في هذا. أن العلماء إذا أجمعوا على مسألة من المسائل يجب اتباعهم. لماذا؟ لأن tout rassemblement cette unanimité c'est une preuve. الإجماع. Ce qu'on a expliqué le premier dors. قال عيسى السلام لا تجتمع أمتي على ضلال. فولو si on connaît pas de دليل في هذا الحال. On a une مسألة مثلا on a إجماع متيقن. Personne khalif. Fawala aussi, tu connais pas de dalil, suis. Léana l'ijma' c'est une preuve en lui-même. Wa'alam, anna ce ijma' il est fondé sur un dalil. Labut. Tu le connais ou tu ne le connais pas. Hada. Qala wa innama sha'an idha akhtalafu. Hada. Notre mas'ala, nahnu l'an qu'on étudie, c'est ces ulama, ces savants s'ils sont en divergence. Amma s'il y a unanimité, il y a unanimité. قال هل يجب علي أن أقبل أو أن أقبل الحق ممن جاء به؟ Cheikh l'Islam, l'un, il répond au Muqallida. Il dit, l'un, s'ils sont unanimes, on suit les savants. Il n'y a aucun problème. L'un, s'ils ont divergé. Cheikh l'Islam, il leur montre, est-ce que je dois chercher le haq ou qu'il est ? Ah ou je suis wahad, aveuglément. Là, chacun a la réponse, comme il va démontrer, rahimahullah, un, on cherche le haq ou qu'il soit vers le plus jeune, ou vers le plus vieux, ou vers la majorité, ou vers la minorité, ou de tel pays, ou un autre pays, on cherche le haq ou qu'il allait, annahu y'a un khilaf. Et là, on a une règle, walillah alhamd, anna inda al-khilaf, le haq, il n'est pas forcément vers un tel. عند الخلاف الحق إلى celui qui a le délit. Qui qu'il soit. قال هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله. نعم. Il applique رحمه الله قول الله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النزاع فإن تنازعتم c'est الخلاف. On revient au Coran et à la Sunna. قال وأرد المسألة إلى الله ورسوله مقتديا بأهل العلم. C'est ça طريقة العلماء. تتعجب بعض الناس ils appellent il faut suivre les savants, il faut suivre les savants et ils les خالفent dans ce منهج. لأن طريقة أهل العلم dès qu'il y a un خلاف on revient au حق. قال أو أن تحل بعضهم من غير حجة. Cheikh l'Islam il remonte « Ah, je suis n'importe lequel aveuglément sans preuve. » Abadan, c'est ça le taqlid. « Qala wa az'um anna as-sawab fi qawlihi » et je prétends que le haq il est forcément vers Foulan. Ça c'est pas tariqat ahl al-ilm. « Qala fa antum ala hadha al-tani » Cheikh l'Islam il dialogue avec des muqallida, muta'assiba. Il leur a montré « Antum, vous êtes sur le deuxième avis qu'il a cité, la deuxième parole. Aïe, vous pensez que le haq il est forcément vers Foulan et vous vous entêtez. Et si on vous montre le haq, il est autre part, vous refusez. Cheikh l'Islam, il ne choisit pas Hadar Qawl Abadan. Ça c'est Qawl al-Juhal. Cheikh l'Islam, c'est un imam fi sunnah. قال فأنتم على هذا الثاني وهو الذي ذمه الله ورسوله وسماه شركا وهو اتخاذ العلماء أربابا. نعم. فهذا سنتشبه بالنصارى. Ils ont mis leurs savants, leurs guides, c'est des arbab. Et ce qu'ils leur disent, c'est halal, ils suivent. Ce qu'ils leur disent, c'est haram, ils suivent. Sans dalil, sans burhan. حتى ils se sont égarés, والعياذ بالله. فلا يجوز نحن أن نتشبه بهؤلاء أبدا. قال ومراده بتسمية الله له شركا في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. مع أنهم ils les ont pas adoré أي السجود والصلاة pour eux. Leur adoration, comme il a montré le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'il leur halal une chose, il la halal. S'il leur haram une chose, il la haram. Sans délit. Hadith un ibadah. Et la personne, s'il se comporte comme ça avec son shir, avec son professeur, il l'a placé au niveau du Rabb. Azza wa jal. Wa hadith min al-shirk. قال الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله قال أهل المعاني جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطعوهم في كل شيء من دون لغة إلا غبيز دون طول إلا غبيز دون طول حتى النصارى هؤلاء الضلال لغمام إذن فلسفية الكتاب إلا إذن سويبه نحن لا s'ils se trompent, notre savant, notre guide, notre professeur, notre père, et ils se trompent, on dit, tu t'es trompé. Et on lui montre, et on suit le haq. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله. نعم. Cette ayah الآن elle montre la gravité du taqlid. ونحن نستفيد منها أن une des causes que les chrétiens قاتلهم الله ils sont égarés c'est le taqlid. تعصب. Ils se sont égarés. قال وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونتقد به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم. الإمام الشوكاني رحمه الله يدمد أن ceux qui suivent avec les mots une personne, il ressemble à اليهود والنصارى في هذا. C'est une ressemblance. لأنه يسوي بالحق ولو سيلوسي. Et on a cité, ils ont des choubouhats. Lakin, il sait mieux que moi. Al-Nasara, kazalik, ils avaient des choubouhats. Qala lil qat'a bi annahum lan ya'buduhum bal ata'uhum wa harramu ma harramu wa halalu ma halalu. Et ça, c'est une ibadah. Quand les ulama disent ma abaduhum, ils n'ont pas fait sujoud pour eux. Ils n'ont pas sacrifié pour eux. Lakin, at-ta'a, at-ta'a, c'est une ibadah. Falihada, il l'appelle al-ulama hada, comme on a vu plusieurs fois, al-shirku fi at-ta'a. قال وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة. الإمام الشوكاني مدخل المقلد من هذه الأمة مسلم مقلد في الحقيقة يغصب لهؤلاء. ولو العلماء يجلس بكسا كافر لكن لا يغصب لنس لهؤلاء أي إلي على خطر إلي على خطر سي يفي باتنشو يبو إكزاجري إكزاجري حتى إلي العقيدة في هؤلاء وهذا لا يجوز. إلى أن قال وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان كل من يتبع مشرعا فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له متخذ له ربا مشرك به كافر بالله عز وجل. فالمسألة خطيرة. كل من يتبع مشرعا لأنه نادي المشرع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل. فولو أن سبب الآن نودي إن شوز حلال أن شرج لدليل إن تخوف كل دليل إحرم ست شوز لا يجوز أن لسوي أبدا لأن سي أن لسوي إن بخصي قول دان تو ولو سي ستخوف فأن لا يلفي كأنه سلوي المشرع سلوي كي نودي ساس حلال ساس حرام. لا العالم إن موطخ ما جاء في الشريعة هذا. Et on répète أن العلماء لا يتعمدون الخطأ. علماء السنة الناصحين العاملين بعلمهم لا يتعمدون الخطأ أبدا ولو سيستخب فإن شاء الله يكسكده. لكن المشكلة في الرعاع في الأتباع في الجهال أنهم يزلف لا بيرسون فوق منزلته كم النصارى يزون فيها بك عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله فيجب على المسلم أن يحذر غاية الحذر على توحيده لله بربوبيته وتوحيد رسوله بالاتباع من هذه المزالق الشيطانية. نعم. فتسكنا اتدي الآن في هذه الرسالة سنموت خلنا التقليد يفي جمال على بيرسون دون دو شوز في توحيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المتابعة لأن المقلد يسوي أوتر كو لو بروفيت عليه الصلاة والسلام dans certains points. كذلك deuxième point qu'on a vu aujourd'hui أنه يفي دو مال à sa عقيدة توحيد الربوبية لأن المشرع سي الله عز وجل. قال وأن لا يغتر بحذلقة المتحذلقين من دعاة التقليد الأعمى والتبعية العمياء لأحد من الخلق بالتزام قوله في قضايا الخلاف وغيرها أبدا. لا بيرسون يفي دي زيفور في العلم et il demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui montre le haqq. S'il ne sait pas, il demande. Et quand il demande, son objectif, c'est le haqq. Tajarrub, insaf, al-ad. Et bien, avec tout ça, il a tous les ingrédients, incha'Allah ta'ala, pour être guidé. قال بلباس التأدب والإجلال لأهل العلم. نعم, بعض الناس يرجت le haqq avec ce libas. أي من باب يرespect العلماء. Respect le haqq. Respect le Rasoul, respect Allah Azza wa Jal et respect Ahl al-Ilm. Et celui qui délaisse le qawl d'un savant, ça implique pas qu'il le respecte pas. Bel celui qui prend le qawl d'un alim dans tout, il est ta'assab là. Et il est aveuglé. فهذا في الحقيقة إلى أن ضعف في إجلال النبي عليه الصلاة والسلام. لأن normalement tu dois faire passer la parole du prophète صلى الله عليه وسلم avant tout. فلا يجوز تقليب الحقائق. قال وكأنه لا يخطي الحق ولا يغيب عنه من غير مراعاة التأدب مع الخالق سبحانه. نعم, لأن بعض الناس يزبل تلبيسا وزورا إلى احترام أهل العلم هو إلى أقل الأدب مع رب العالمين لأن الله سبحانه وتعالى لي وأغدني دو سويفغ الرسول Et si Allah il a haram quelque chose et un savant il se trompe, on n'a pas le droit de faire passer le kalam du savant avant kalam Allah Azza wa Jal. Un bout de chaque chose elle est à sa place. قال والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالحق الذي شرعه وأمر به فأساء إلى الخالق وإلى رسول وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان أرباب هذه الضلالة لم يقصدوا هذا المعنى الشرك الخطير رأسا نعم. وهذا سنتنبيه مهم أن هؤلاء المقلدة إذا طلنية دفق هذا الشرك في الربوبية أبدا أبدا لكن نحن الآن نبغل هذا الموقف سبو أمبليكي هذا et ça c'est une nasiha qui que tout le monde fasse attention il préserve son dîn il préserve sa عقيدة نعم فلا تفهم من هذا أن الشيخ يكفر هؤلاء أو أبدا لكن نصيحة أن leur قول leur point de vue leur position un peu les amener à هذا فلا personne يحذر يحذر يحذر قال لكن هذا ما تفضي إليه مخالفة الحق ورده لقول أحد من البشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشارم المسلول وقال أبو طالب المشكاني وقيل له يعني أحمد إن قوما يدعون أو يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أبو طالب إلى دمودي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة Il lui a demandé, بعض الناس, ils prétendent connaître le hadith. أي, يطلبون العلم. Ils ont du علم. قال ويذهبون إلى رأي سفيان. لكن, ils prennent l'avis de سفيان, الثوري, الإمام. فقال, أي أحمد رحمه الله, أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته. يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. Imam Ahmad il a dit je suis étonné anna ba'd an-nas ils ont écouté le hadith et ils ont assisté aux assises du ilm ils ont les capacités de trancher est-ce que ce savant il a juste ou il s'est trompé et annahum connaissent le hadith il est étonné l'imam Ahmad annahum connaissent le hadith ils connaissent l'isnad ils connaissent les chaînes de transmission et est-ce qu'il est sahih amla et avec tout ça ils prennent l'avis de Sophia voilà aussi il s'est trompé sahih hadha haqqan tata'ajjab min hadha تتعجب. La personne, il a fait des efforts. Il a fait des sacrifices. Allah, il lui a donné cette ni'ma, il comprend. Il peut trancher dans les masa'il et tu le trouves, muqallid. Fa sahih. Ajaban li ha'oula. Thumma, al-imam Ahmed, rahimahullah, il a cité les versets. Fa liyahdari alladhina yukhalifuna an amrih, an tusibahum fitnatun, aw yusibahum adabun alim. Qala wa tadrima al-fitna. الكفر قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل فيدعون الحديد فيدعون نعم أو فيدعون الحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي نعم فتنة كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره لأن السجود خلق قول جزافو et tu délaisses la parole du prophète صلى الله عليه وسلم c'est grave خاصة si tu sais أما si on prend la parole du prophète صلى الله عليه وسلم Et on délaisse la parole du savant, enfin, c'est ça al-matloub. C'est ça le din, c'est ça al-manhaj al-sahib. Enfin, là, au bout de la personne, il prend هذا al-manhaj et il l'applique. ثم قال الشيخ رحمه الله وما أحسن. La page suivante. قال وما أحسن ما نصح به الإمام الشوكاني في هذا الخطب. الجلل الذي أصيب به كثير من الناس صحيح كثير من الناس ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية أنهم ils ont été atteints par ce مرض مرض التعصب والتقليد فالإمام الشوكاني الآن ينصح فقال في فتح القدير فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم أو ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد الله بهما l'époque de l'imam al-Shawkani, al-Taqlid ou al-Ta'assub al-Madhhabi, il était muntashir jidda. Al-Zaydiya min janib, atma' l'imam al-Shafi'i, atma' l'imam Abi Hanifa. Il y avait beaucoup de muta'assib. Fa-yansahuhum. Il leur montre annakum vous êtes des attuba' li Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Parce qu'il khalif sa voix, dressez-le. Walou ton imam, c'est son qawm. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas ordonné de suivre un tel ou un tel. Il t'a ordonné de suivre le Rasoul alayhi salatu wa salam. Qala wa talabihi minhum lil'amal bima dalla alayhi wa afadah. فعملتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق ولم تعضد بعضد الدين أو بعضد الدين. نعم. فهذه نصيحة طيبة طيبة من عالم من إمام مشفق على هذه الأمة. أي إلى فيل دقاد التقليد رحمه الله. ينصح ينصح يا أمة محمد vous avez un guide. Faites des efforts. Faites des efforts pour le suivre. Si tu t'es trompé et on te montre le haq, fais sunnat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu gagneras rien. Abadan. Ce qui élève la personne, c'est l'ilm. C'est pas l'entêtement. C'est pas l'aveuglement. C'est pas l'énervement. Abadan. Ce qui élève la personne, c'est l'ilm. L'ilm, je me suis trompé. La personne, il demande à Allah, il waffaq cette modestie, annahu, il revient. Il y en a, tout le monde se trompe. Tout le monde. Après le prophète عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ سعيد رحمه الله انتهى كلامه رحمه الله. قال وبهذا يتضح أن طريقة تجريد الاتباع من شوائب الإشراك في الطاعة والرسالة والاتباع في أخذ أحكام الشريعة في الابتداء لا يكون إلا بتحري الحق. نعم. هذا مهم. La grosse فائدة نحن الآن qu'on a compris de cette رسالة التحري. La personne, il fait des efforts. Fait des efforts. Cette fainéantise, la personne, yarda, il accepte que son nef, ça soit à la djah. Il ne veut pas faire d'efforts. Il est toujours derrière. Fais des efforts, ya akhi, c'est ton din. C'est ton din. Demain, tu seras éprouvé par une fitna, par un khilaf, par des masa'il. Si tu n'as pas stahari la l'haq, et stajarrud, et ses efforts, c'est ça le djihad. Al-an, al-djihad, cherche l'haq. Hada min akbar al-djihad. Tu recherches l'haq dans les masa'il. Qala wal-bahth. عن دليله وبرهانه ممن جاء به على وجه الشرع الصحيح لا بتفويض ذلك الى عالم معين. نعم هذا من الجهاد في سبيل الله. لا بيرسون يسيرش الحق يعظم الحق اي دفع اهل الحق اي سو حق il le restreint pas vers فلان او علان. ابدا الحق سي الحق اوكي سوا. قال والتزام قوله من غير التفات الى قول من يخالفه ولا اعتبار لصحة قوله بالدليل الشرعي حتى يتبين له الحق وفي الانتهاء بالأخذ بالحق واعتقاده والعمل به فأو ديبار سون قد سي الحق فإفتو بور لتخوضي سي إتخوف سي حق يعمل به وينصر أهله ينصر أهله avec tout ce qu'il peut avec tout ce qu'il peut لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال والعمل به من غير تفويض لذلك رأي نعم من غير تفويض لذلك رأي عالم معين كانه من غير تفويض لرأي عالم معين. قال فهذا طريق السلام للدين من بلية التقليد الأعمى الذي هو أصل جاهلي. نعم الجاهلية ونفي النصارى واليهود كذلك الجاهلية il voulait pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il leur a montré le haq, le message, à Ba'dhum, ils n'ont pas voulu. Leurs ancêtres, ils n'étaient pas à la hadaddi. Ça, c'est min umur al-jahiliya, ta'assub lil-aba. Ta'assub à son avis. Là, ton avis, tu peux avoir raison, tu peux te tromper. Khasatan, si quelqu'un te montre avec des preuves. قال وإشراك في الرسالة والاتباع كما سبق بيانه فإن الله لم يجمع الحق في أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن سيكون خير. Personne après le prophète صلى الله عليه وسلم il peut prétendre il a toujours le haq. ولو سان سافون دا سنة اللي سافون دا سنة يبرتون با هذا اللي ينفسهم أبدا. فأنت en tant que طالب علم en tant que مسلم مؤمن سني فالحق s'il n'est pas vers ce savant et il est vers un autre, tu prends le rôle de l'autre. Et tu respectes ce savant qui s'est trompé. قال لا يفوته ولا يغيب عنه منه شيء بوجه من وجوه الفوات التي منها الاجتهاد الخاطئ وهذا يحصل لأهل العلم. Et تأمل قوله منها الاجتهاد الخاطئ أن خطأ العلماء c'est l'اجتهاد. On a dit علماء السنة لا يتعمدون الخطأ. أي il veut volontairement contredire la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. علماء السنة يزم الحق علماء السنة يزم le prophète. Leur vie l'ont sacrifié les sunnats de Nabi Sansan. Fala yata ammed. Lakin, il peut se tromper. Min bab l'ishtihad, min bab l'khata, min bab l'zalal, min bab l'nissyan, min bab l'ghafla. Il peut se tromper. Fala nahnu, par rapport à cette erreur, on ne suit pas. On ne suit pas. Ya shir, tu t'es trompé. Jazakallahu khair pour ton effort. Lakin al-haq il est fi hadi al-mas'ala. Qala nas'alullah al-afwa wa s-sit. Amin. ختم الرسالة بالعواقب إساس نتيجة هذا البحث. أي الآن si on a compris tout ce qu'on a vu dans ces trois دروس أو ces quatre دروس فالآن الشيخ رحمه الله va montrer الضرر أي le fruit amer الآن de ce suivi aveugle. قال رحمه الله عواقب تفويض الحق إلى عالم معين. العواقب سي عاقبه الشيء c'est la fin d'une chose, c'est le résultat. Alors le fait de s'entêter de suivre aveuglément, il y a un résultat والعياد بالله. قال واعلم ان تفويض معرفه الحق الى عالم معين والتزام قوله بلا تقدم ولا تاخر عواقب سيئه على التابع. نعم الان يبقى دي ريزولتات نيجاتيف دي فروي امير pour celui qui suit aveuglément. قال ومن فوض الامر اليه اذا رضي بذلك واطمأنت له نفسه. Et on a déjà expliqué ان علماء السنه الناصحين العاملين ils acceptent pas هذا لانفسهم ابدا. بل يمطر الامام الشافعي رحمه الله لا مطخ. كذلك الائمه الاربعه الشيخ الالباني رحمه الله في مقدمه صفه الصلاه on a vu les اقوال لي فرير كيزون في الدرس avec nous مقدمة صفة الصلاة الشيخ الألباني لا ستة أقوال الأئمة الأربعة أنهم إذا أكسبت با لو تقليد إذا أكسبت با الشيخ الألباني لا فوندي لا رسالة سو هذا أن صفة الصلاة النبي كي فان نوز انسيني رحمه الله سي با سور لو مذهب دو أبو حنيفة أو لو مذهب دو مالك أو الشافعي أو دو أحمد لا مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام فالشيخ الألباني إلى ديمونتري في المقدمة كي بوغا خالف أن دو سولا un des quatre imams. Il peut les khalif, et il les a khalif dans certains masail. Et il est juste là, tant qu'il est un délit. Hada, fa al-ulama, ils appellent pas à hada abadan. Qala fa amma at-tabi' al-mufawwid amr ma'rifat al-haq ila 'alim mu'ayyan la yuqaddim 'ala ra'yihi wa la yu'akhkhir fa inna hada ma'a ma fihi mimma sabaqa dhikruhu min ma'na al-ishrak fi ar-risala wa ghayriha fa innahu yughdhi bi ahli radd ila radd al-haq. C'est ça le premier fruit amer. Radd al-haq. لماذا؟ لأن الآن si la personne s'entête à suivre Cheikh Fulan, il se trompe dans cette masale. Comme on a répété souvent la parole de l'imam al-Muallimi, rahimahullah. Allah, il peut l'éprouver, il se trompe pour voir toi, ayyou al-Muslim, est-ce que tu suis le haq ou tu suis la personne. فالآن, cette personne, Allah, il l'éprouve, il se savant, il s'est trompé. Al-Muqallid al-An, il va le suivre, لأنه, il le suit dans tout. Rubbama al-Haq, il est vers un autre. Si tu viens le conseiller, ya Fulan. Ya Fulan, al-Haq, il est vers l'autre. Et tu lui cites les adillah, tu lui montres. Si il est entêté, il rejettera al-Haq. Limada, li anna al-Haq, il n'est pas sorti de ce shirk qui suit avec le monde. هذا الآن فتنة. الآن يرجت الحق. يرجت الحق, c'est pas simple. Ya akhi, tu auras des comptes à rendre au Qiyam. Tu auras des comptes à rendre. Limada, tu l'as suivi aveuglément alors qu'on t'a montré. Qala وعداء أهله إذا جاء من غير من فوض الأمر إليه كذلك va délaisser le haq ça va impliquer qu'il va combattre أهل الحق في الغالب Lui, il pense que son cheikh, il a raison. Il le suit aveuglément. Si le haq, il est vers un autre, il va le rejeter. Comment il va commencer à critiquer? Ça serait haq. Cheikh Foulan, il aurait dit, vous respectez pas l'ulama, vous kada, vous kada. À la fin, il conclut, vous êtes des haddadi. Muharaba li ahli al-haq. Sans aucune preuve. Sans aucun burhan. Qala. Qala wa hadha aqibatuhu wa khima ala dhawih. Fa inna rad al-haq. وعناده وعداء أهله سبب من أسباب صرف القلوب عن الحق كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هذا سسالو غزلتات شفيك دلس الحق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة سلوك الحق لذين إن لغجت تعصبا وتقليدا لفلان أو علان الله سبحانه وتعالى يبل الشاتي بهذا ونقلب أفئدته يغطون son cœur il comprend plus, il accepte plus الحق لماذا؟ قال عز وجل كما لم يؤمنوا به أول مرة لأن الحق si tu le rejettes في أول وهلة في أول الأمر au départ الله peut te prouver ton cœur il tourne ثم الحق il apparaît clairement et la personne il le refuse. Faya akhi, tu fais pas ce que tu veux. Al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Rejette pas ce que tu veux. Wallahi qad tubtala. L'amr devient wadih. Lakin vu que tu as rejeté le haq au départ et tu as pas secouru ahl al-haq, Allah t'éprouve et tu t'égares. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. انتبه اخي الكريم انتبه تكونسيي في امر اي تتساهل سهل سهل والله الامر لي با سهل سي سي الحق prends قول الحق et conseille ceux qui se sont trompés et si tu vois que l'amr il est واضح et الحق il est pas forcément vers ton cheikh ou le cheikh que tu pensais ou vers tes amis ou vers les habitants de ta ville de ton pays fatrouk ton قول et suis الحق Allah il va t'élever قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اي ينادي ان المقلد والتقليد سي با دو علم بالاجماع الى ان قال la page suivante le deuxième paragraphe قال ولقد رأت الاعين وسمعت الاذان من هذا بكثير صحيح صحيح أن خاصة في هذه الآونة الأخيرة أن celui qui se mélange avec بعض الناس il va voir un تقليد عجيب قال فكم من إنسان يعلق الحق بعالم صحيح ولو s'il le dit pas clairement sa position elle montre هذا لأن souvent il te dit ouais mais شيخ فلان ouais mais شيخ فلان mais si c'est حق شيخ فلان pourquoi il l'a pas vu الآن tu vois que sa position le حق il est معلق بالشيخ فلان وهذا لا يجوز قال ويرده ممن سوى كذلك ce qui montre que sa position c'est هذا أن si le حق est vers un autre شيخ il le refuse ça montre quoi sa position أن il a une عقيدة أن ce شيخ il a toujours raison et ça c'est منزلة النبي عليه الصلاة والسلام قال فما يتبين الحق لمن فوض معرفة الحق إليه إلا وقد امتلأ قلبه بالهوى المصيبة c'est ça الآن أن si cette fitna elle s'éclaircit de plus en plus لكن هو il a rejeté le haq في بداية الأمر alors qu'il avait la capacité de le trouver كذلك il a علق الحق il pense que الشيخ فلان c'est lui qui va forcément montrer le haq il peut être éprouvé أن الحق il apparaît et il le rejette صلى الله عليه قال لماذا كما قال قال وقد امتلأ قلبه بالهوى الآن قلبه امتلأ بالهوى c'est quoi le هوى هنا التعصب Il pense que Cheikh Foulan a toujours raison. Il pense que Cheikh Intel il a forcément tort. Il pense que si c'est un haq, le Cheikh il va forcément le suivre. Tout ça c'est min al-hawa. Tout ça c'est min al-hawa. Il se met des obstacles pour rejeter le haq. Et il croit que al-miskin il s'en sort. Et il ne sait pas qu'il est en train de s'enfoncer dans l'égarement. قال وجرى منه جري الكلب بصاحبه قال ورضيت نفسه بالباطل فيرد الحق ويدفعه ولو جاء به من جاء نعم الآن cette personne il est في خطر cette personne son قلب il est marié cette personne il est pas il suit pas manhaj al-salaf. Manhaj al-salaf, c'est ta'dim al-haq. C'est ta'dim al-haq par rijal. Al-rijal, on leur donne de l'importance, s'ils donnent de l'importance au haq. Mais s'ils se trompent, ils se trompent. Thumma qal wa laqad balagha al-amr bi ba'd hadha as-sinf annahu qal ba'd an tamakkana min qalbihi al-hawa wal-batil wa qad kana yu'alliq امره بعالم من العلماء لو جاء جبريل ما قبلت منه شف على هوا الشيخ سعيد رحمه الله l'expérience qu'il avait مع هؤلاء il témoigne الان ان بعض الناس ils ont pensé que le haq c'était toujours avec un tel ils ont été conseillés ils ont vécu des fitnes et vu qu'ils sont pas à la haq ils ont pas de preuve. فلا شك أن موقف يضعف أمام أهل الحق لأن الله سبحانه وتعالى إذن لهيبة لأهل الحق فبعض الناس والعياذ بالله إذن أوزي دير ستو بارول ولو جاء جبريل l'intermédiaire entre Allah سبحانه وتعالى et les messagers pour la révélation جبريل عليه السلام ولو جاء جبريل ما قبلت منه. هذا الآن il a glissé cette personne avec ce cas-là. Et il a voulu montrer أن ولو الحق vient, moi je suis الشيخ فلان تعصب. قال وعادت هذا الصف أنه يقلب ظهر المدن لمن فوض أمره إليه يوما من الدهر إذ خالف شيئا من هواه. صحيح أن هؤلاء المتعصبة leur habitude إلا من رحم الله في التوبة أنهم s'ils voient que tu ne le suis pas, tu n'es pas d'accord, ils te tournent le dos. Et ça, c'est un des fruits amers. Ça finit Hajr. Ça finit Fulan, il n'aime pas l'ulama. Ça finit Fulan, ce n'est pas un sunni. Wal'iyadu billah, la division. On cite un exemple. Nous, on connaît un exemple ici. Il a été atteint par cette maladie. Nassallah al-afi. Akhon, il était là, ma'ana, fi dar al-hadid, bi dammaj. Et quand cette fitna est apparue, au départ, son mawqif il était khata. Au départ, il ne voulait pas le haq. Au départ, il a pensé que le haq, c'était forcément Fulan. Exactement le cas qu'on vient de lire. Au départ, il a fait une erreur muhimma. Elle lui a fait beaucoup de mal. Anahu, il n'a pas essayé de chercher le haq. Wallahi, marra ana. Je suis une des personnes qui l'a conseillé. Kathiran. Et il arrive à ça, il le sait. Un amour, je l'ai conseillé, il m'a dit Wallah, que Sheikh Ahyanan y parle. Et quand Sheikh il parlait sur la fitna, il montrait. Et il m'a dit Wallah, je faisais du tasbih. La yajouz. Je lui ai dit Ya akhi, la yajouz. Il a admis, il m'a dit Sahih, la yajouz. Je lui ai dit Léanna, si t'es pas muqtani', si t'es pas mutma'in, tu penses que Shir il n'est pas ahlan les at-tadris, il n'y a akhipa, personne ne te retient. Et j'ai essayé de faire comprendre les mada, tu t'lobes l'ilm inda Shir et tu n'as pas confiance en lui. Il m'a dit sahih, lakin ta'ammal le mawqif qu'il va avoir, le cœur il est malade. Il m'a dit sahih, je lui ai dit rien. Je lui ai dit est-ce que c'est min al-adab tajlis fi halqa. Tu es dans une assise de ilm et le shir il parle et tu fais du tasbih pour rejeter son qawl. Je lui ai dit, et si le qawl de shir c'est haq, tu fais quoi? Il m'a dit sahih. Comment on a avancé? Mon akasha. Wallah, le but nahnu c'était qu'il revienne. Et là ça a. Wallah, il sunni, qui est à la sunna, il aime pas quand son frère il s'égare. La yajouz hada. Au moins une personne il s'égare, nafrah. Wallah, nahnu on tenait à lui, on voulait qu'il revienne. Enfin, on a tout fait. والله سبحانه وتعالى شهيد فأون lui a montré بعد هذا on est venu à parler de cette fitna on lui a dit تفضل nous on va te dire ce qu'on pense notre موقف et toi تفضل dis-nous ton موقف et celui qui a le haq on revient et je lui avais dit يا أخي si on est dans l'égarement ne nous laisse pas nous égarer جزاك الله خير. Il m'a dit sahih. Je lui ai dit, non, on ne veut pas que tu t'égares, on va te montrer. Si nous on est en train de s'égarer, montre-nous. Je lui ai dit, Wallah, si tu nous montres, demain on part avec toi. Il y en a qui comptent partir. Je lui ai dit, demain, là, on part avec toi. Nous, on n'est pas attaché à cet endroit, il l'a parce qu'on voit que c'est le haq. j'ai commencé. Je lui ai dit, je vais te montrer. Et je lui ai montré quelques points. Quelques points sur cette fitna. Il m'a dit, jazakallahu khair. Je lui ai dit, fadal. À ton tour, l'an, montre. Prouve-moi que l'an, j'ai tort. Wallah, il m'a dit. Et il le sait. Il m'a dit, wallah, il m'a dit, j'admets qu'il y a du ta'assub. Hakada. Je lui ai dit, l'an, t'es en train d'admettre que t'es à la batil. Il y en a à ta'assub. L'entêtement, c'est de l'égarement. Bilijma. Ta'assub, ça ne peut pas être haq. Il m'a dit, sahih. Et je lui ai dit, fal'an, t'admets hada. Wallah, il m'a dit, hakada ya jama'a. Il m'a dit, j'admets qu'il y a du ta'assub. Il y en a, il ne peut pas contredire certaines choses. Il est hafid le Coran. Des années ici, il a vécu la fitna. Il le sait. Lakin, ce cœur, il est devenu malade. Tu sais, c'est quoi le sabab? C'est qu'on Allah Azza wa Jal, comme a dit Azza wa Jal, ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة. لأن في بداية الأمر لا وجد الحق. الآن الله lui a facilité des frères, il lui montre, il est malade. Il m'a dit بنفسه, il m'a dit c'est vrai, j'ai du تعصب. فالآن on lui a dit يا أخي de malade, الآن بإذن الله nous on veut t'aider. Enfin, je lui ai proposé à lire des choses. Et on a essayé de faire quoi avec ce frère? Le retard qu'il a pris. Il était adommage. La fitna lui tombe sur les épaules et il essaie de fermer les yeux. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi. On lui a dit, rattrape ton retard. Lis ce qui a été écrit. Écoute ce qui a été dit. Et bien, tu prends le haq. Wallah, je lui ai passé deux, trois rasa'il par rapport à la fitna. Un jour après ou deux jours après, il les a posés chez un frère. Il est parti. Il a dit au frère, tu donneras ça à Fulham. Et Anna, j'ai été les récupérer, il est parti. Aïna Hulan, il est où? C'est quoi son manqif? Est-ce qu'il est mutmain? Abadan. Qala alayhi sallallahu alayhi sallam, al-ithmu mahaka fin nafs. Al-ithmu mahaka fin nafs. T'es ala al-haq, t'es mutmain. Lakin se sauver comme ça, ça lui a rien apporté. Abadan. Des années, vil'il. Des années. Parmi ses réponses, Askur qui me disait, quand on avait la munaqasha, Wallah, il me disait, mais pourquoi Cheikh Fulan, il n'a pas dit? Nous, on lui répondait, mais pourquoi Cheikh Fulan, il a dit? Après, on lui a dit, est-ce que le haq, c'est forcément vers lui? Il admettait. Il s'est retrouvé bloqué très vite. Mais pourquoi Fulan? On lui a dit, arrête de allak sur Fulan. On lui a dit, est-ce que tu es d'accord? Lui, il a vécu la fitna depuis le début. Est-ce que tu es d'accord que la fitna, elle est sortie de cet endroit? Il a dit, na'am. On lui a dit, est-ce que Cheikh, c'est lui, le responsable de cet endroit? Il a dit, na'am. On lui a dit, est-ce que Cheikh, il a le haq de montrer? Il a dit na'am, on lui a dit, enfin, suis. Il s'arrête, hakada il nous faisait. Malade, malade, le cœur il est malade. Khalas, faites dua, demande à Allah, il le guide. Ah, le cœur il est malade. Anna, je vous dis, je vous raconte tout ça. Anna, la personne, il fait attention. Pourquoi pas que tu fais ce que tu veux? Abdillah. Abdillah, tu dois suivre al-haq, ok. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala un yahdi ha'oula. Nous, on n'a que dua. On montre. Et on a dua. Page 27, en bas de la page 27, on retasse. Qala wa hadha kullu natij an dha'f, an dha'f fi tajrid al mutaba'a wa tahri al haqq wa insaf ahlihi wa sadir an da'i hubb al jah wa al sharaf. كذلك بعض الناس ils ont hadha. بعض الناس, vu que les gens ils les ont mis en haut, c'est eux les guides, c'est eux qui parlent. Si il reconnaît son khata, il sait que sa position elle va descendre. Voilà, chak. Et fil haqiqa, s'il reconnaît le khata, sa position elle descendra pas. Bel Allah il l'a. Et qu'un shaitan il lui fait croire ça, fa بعض الناس, il persiste dans le khata. Et il ne veut pas montrer qu'il a une faiblesse. Il ne veut pas montrer qu'il s'est trompé. Il ne veut pas montrer qu'il a pu ignorer. Ah là, il se fait du mal. قال هذا ما يسر الله التذكير به في هذه المسألة العظيمة التي نسحب لاستطاله الأفكار والأهوى المضلة وأرجو الله أن ينفعني به ومن يقف عليه من المسلمين وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات يوم لقائه وأن يجعلنا به ممن يجاهد في سبيل إعلاء كلمته إنه سبحانه جواد كريم وهو حزبي ونعم الوكيل هنا ينعمل قال يقص الحق وهو خير الفاصلين والحمد لله. كتبه أبو حاتم سعيد دعاس المشوش اليافعي عليه رحمة الله. فننصح الإخوان جميعا بالعناية بطلب العلم. تتسفتنا الآن بس الضعف سان ضعف عظيم أنه إن ديكوز سالخلل في العلم. فالطلب بالعلم سأعظم جهاد. دلوي دو لامبورتونس دمان تو فايت بخوبي لا شك في هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فسي تطلب العلم اي تو بروغريس تو سورا اي بروبليم توغا دي بيرسون كي تكريتيكون توغا دي بيرسون كي ميترون ان غارد توغا دي بيرسون. اطلب العلم حتى تا دي زارم بور ريبون تا دي زارم تا الحجه معك. العنايه بطلب العلم العنايه باللغه العربيه. بعض الناس كي بارل دون دي فتنه والله الى دي موقف ربما اي سي با ليا والله. مره نصحنا واحد بانوش تفتنا طيلوت مشكله نصحنا واحد كون كونيس اون انصح اون بيرسون كي سويفا دون دي مسائل في العقيده الرد هكذا كلكو باج يا فلان في اتونسيون تادي كذا يا فلان. والله لو بوت سي كي فاس توبه هذا لو بوت والله اون لو كوني با اي نو كوني با. نصحنا واحد ينوز ابل او تليفون واحد ان فرانس يا فلان pourquoi tu dis sur فلان pourquoi يا اخي il a des erreurs نحن on veut le bien on veut son bien. comment je vais poser une question je vais dire يا اخي est-ce que tu as lu ce qu'on a écrit لان on a écrit بالعربيه et هو il sait pas lire. والله il m'a répondu là je lui ai dit fait comment tu prends position tu le défends tu as pas lu lis et si on s'est trompé montre-nous. والله on fait tawba en public là il a même pas lu mais on doit se taire. أبداً أبداً فاس كتو فو فاس كتو فو والله نتكلم وبارلوغا ايو مونتخوغا دونك اون سيك لو حق إلي افيك نو. فشوف على مصيبة إيسي با ليغ إلا با لو لكن تي توا تو بارل با سور فلان. المصيبة لي كريتيك كون ا مونتخيز سي با عالم سي با طالب علم سي اون بيرسون بارمي لي مسلمين. لكن حتى بهذا اسكت اسكت أبداً. كذلك من النصائح احترام أهل العلم. كل كلام كنا سيتي الآن سافو با دير كو اون ريسبكت با أبدا. إي أون لا ريبيتي أون لا ريبيتي دون لي دورو أن لا بيرسون يحترم أهل العلم. إيزون أن جهد كبير. إيزون لونور دو أفوار طلب العلم أفون نو. إيزون بلو فيو كنو. سيغتان دونتخ أو إيزون منزلة دو بير أو دو غران بير بور نو. فاحترام أهل العلم سي مهم. احترام أهل العلم et احترام أهل العلم ça implique que s'il se trompe on ne suit pas on le suit pas لأنه سعالم c'est pas un نبي. فهذا لا بد منه ولله الحمد nous on a été éduqués على هذا في هذا المكان أنه on respecte les savants et on respecte الحق et chacun à sa place. كذلك الحذر من الظلم. La personne il fait attention au ظلم ومن الظلم رد الحق. La personne il fait pas ce qu'il veut. والله c'est من الظلم أن t'essayes pas de chercher le حق et tu contredis ou tu critiques ceux qui ont fait l'effort de trouver ce حق. تتعجب cette fitna elle est sortie من هذا المكان. الشيخ يحيى حفظه الله il a parlé sur ses élèves. Il a pas parlé sur le départ de la fitna c'était هكذا. Il a parlé sur certains de ses élèves. لأن celui Cheikh Mokbel il l'a mis comme responsable du Makan, celui qui donne les doros, tous ceux qui assistent, c'est ses élèves. Celui qui ne veut pas, il part. Fabard Nas signe ses élèves, tout ma chérie parle sur eux, adop. Il les conseille. Wahad il vient, non, il ne doit pas parler. Est-ce que ça c'est min al-adl? Wallahi, c'est comme un père. C'est comme un père chez lui. Il éduque son fils ou sa fille. Wahad il vient, il dit là, laisse-les. Laisse-les, ils sont bien. Il a vu des choses. Il a entendu des choses. Il a conseillé. Enfin, normalement, il doit être aidé, Fihada. Normalement, il doit être aidé. Et s'il s'est trompé, on le conseille. Et Achir, tu t'es trompé. Billati, il y a Ahsan. Amahakada s'imposer. T'es un menteur. T'es un cadavre. Bardom, ils ont dit Al-Hajouri, il a plus de diyana. Il a plus de din. C'est un cadavre. Wallah, Wadom, ils ont dit Hakada. Wadom, ils ont dit Al-Hajouri, il est Matsous, c'est un Rafidi. Hakada. Hada, c'est min al-Adab. Hada, c'est min al-Ihtiram. Hada, c'est min manhaj al-Salaf. C'est un Rafidi, c'est un asl qu'il a de Rafida. Sa maison, elle se fait détruite. Son frère, il est mort. Ses tollabs, ils sont morts pour combattre le Rafida. Wahad, il vient et dit c'est un Rafidi, il est Matsous. Et l'adjib, le manque de insaf et les cœurs, ils sont malades. Pardon, ils n'osent pas admettre. Sahih, pourquoi tu dis ça sur le chien? Pourquoi tu dis ça? Al-An, tu dis ça à Rafidi, c'est que c'est un kafir. Fa-ha-ha, c'est min al-dhulm, aïn al-dhulm. Kadalik, la personne, y'a'tani et il fait attention au kadib. Wa ahamiyat sitqa li ma'roufa inda sunni. Anna al-haq, c'est l'haq. Il fait attention à l'hawa. Al-hawa, al-hawa, comme on l'a expliqué dans ce risala, c'est une cause que كثير من الناس يسقط. قال الشيخ العظيمين رحمه الله فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ولكن بعض الناس يقول لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم مع أنه قد ينقضح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقة متبوعيهم وإن كان قد تبين لهم الهدى. Cheikh Ibn Taymiyyah, il montre, et on a cité ce calème que pour ça, en a ce genre de personnes, il existe. Tout ce qu'on a cité, nous, certains gens, ils peuvent dire, mais ils exagèrent, mais là, Cheikh Ibn Taymiyyah lui-même, il l'a vécu, en a certains gens, il a le qudra. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ. Le Qur'an, il est mouyassar. Le haq, il est mouyassar, celui qui le veut. Lakin, certains gens, la yatazahzah, ils ne bougent pas, tant que Cheikh, ils ne bougent pas. Wallah, en a cette fitna l'an. Si un cheikh demain, que Haoula il suive aveuglément, il dit que Foulan Saint-Husbi, sans citer de délit, Oksimo Billah qu'il le suivra. Ta'assoub. Ta'assoub, les Anna, leur but c'est plus le haq et les preuves. Le but c'est est-ce que Cheikh Foulan il dit ou pas. Demain, Cheikh Foulan il revient sur son qawl. Il dit non, c'est pas un Husbi, en fait c'est un sunni. Tu verras, ils suivront. Ou hakada. Hakada. C'est pas ça de din. La personne, s'il a des erreurs, il a des erreurs. Walou Foulan, il ne les voit pas. Si la personne n'a pas d'erreur, c'est un sunni, il n'a pas d'erreur. Walou Foulan, il dit qu'il a des erreurs. Là, nous, on regarde la personne, le haq. Et la parole du shir, elle doit être en concordance avec Hada. Nakhtim Hada, Hadi Dorous, Bikalimat Cheikh Mokbil, Rahimahullah. So'ila, Cheikh Mokbil, ils lui ont demandé Ashab al-Intikhabat. Il y avait une fitna avec l'intikhabat, la fin des années 90, les années 90, la fitna en Algérie. Il y avait eu des fitnes avec l'intikhabat. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il avait fait une fatwa en Nahou Yajouz, pour repousser le mal. Cheikh Ibn Baz, kadhalik. Cheikh Ibn Uthaymeen, kadhalik. Ulama al-Umma. Al-Mujaddidoun, via d'al-Asr. Une personne, il demande à Cheikh Mokbil, l'un Cheikh Mokbil, il les a khalib. Il y a Cheikh. Tu dis que les intikhabat, les élections, c'est interdit. Lakin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, ils disent Yajouz. Est-ce que l'an, Cheikh Mokbil, ça implique qu'il a forcément tort? Et Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhim, rahmatullah, ils ont raison? Abadan. Cheikh Mokbil, il a répondu. قال, لو تراجع هؤلاء المشايخ, أكنتم متراجعين عن هذا أم لا? Cheikh Mokbil lui a montré que le haq, c'est pas forcément vrai. Il leur a montré si Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, ils reviennent sur ce qawl et ils disent intikhabat haram, est-ce que vous allez les suivre? Eux, ils vont dire na'am. Cheikh Mokbil, il leur demande suis le haq. Suis le haq, l'intikhabat haram, c'est interdit, ça vient des kuffar. Ou alors si Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, ils se sont trompés. Qala الشيخ مقبل رحمه الله ونقول إننا نرى حرمة التقليد فلا يجوز لنا أن نقلد شيخ الألباني ولا شيخ ابن باز ولا شيخ ابن عدي ثم il leur a montré الحق أن الانتخابات حرام الآن 20 ans après on a vu نحن les dégâts de l'intikhabat on a aucun doute que c'est haram toutes les fitnas الآن les révolutions dans les pays arabes ils ont mis l'intikhabat et ça fait de la fuqa فالحق tu le prends où qu'il soit. Al-An, sinon on reste opposition, comme ils ont certains, la majorité, ou le Kibar, ou Kada, enfin on délaisse Qawl Cheikh Mokbil et on prend Qawl Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz dans les élections. Abadan. Abadan, c'est une erreur. Et c'est des mujtahidoun. Ils se sont trompés. Alayhim rahmatullah. Nas'alullahi azza wa jal. Ayyuthabbitana ala al-haq. وأن يجمع كلمة أهل السنة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.